« Madame est servie !» vint dire Mariette. Hortense vint souhaiter le bonjour à son père et à sa mère. Il fallut aller déjeuner et montrer des visages menteurs. « Allez déjeuner sans moi, je vous rejoindrai !» dit la baronne. Elle se mit à sa table et écrivit la lettre suivante. « Mon cher monsieur Crevel, j'ai un service à vous demander. Je vous attends ce matin et je compte sur votre galanterie qui m'est connue pour que vous ne fassiez pas attendre trop longtemps votre dévouée servante, Adeline Hulot. « Louise, dit-elle à la femme de chambre de sa fille qui servait, descendez cette lettre au concierge, dites-lui de la porter sur-le-champ à son adresse et de demander une réponse. » Le baron qui lisait les journaux tendit un journal républicain à sa femme en lui désignant un article et lui disant « Sera-t-il temps ? Voici l'article. » Un de ces terribles entrefilés avec lesquels les journaux nuancent leur tartine politique. Un de nos correspondants nous écrit d'Alger qu'il s'est révélé de tels abus dans les services des vivres de la province d'Oran que la justice informe. Les malversations sont évidentes, les coupables sont connus. Si la répression n'est pas sévère, nous continuerons à perdre plus d'hommes par le fait des concussions qui frappent sur leur nourriture, que par le fer des Arabes et le feu du climat. Nous attendrons de nouveaux renseignements avant de continuer ce déplorable sujet. Nous ne nous étonnons plus de la peur que cause l'établissement en Algérie de la presse, comme l'a entendu la charte de 1830. « Je vais m'habiller et aller au ministère, » dit le baron en quittant la table. « Le temps est trop précieux. Il y a la vie d'un homme dans chaque minute. »